Le jour où ils les ont relâchés de Vincennes, ils n'avaient ni montre, ni chaussures, ni veste. Les pauvres, ils sont arrivés avec plein de bleus, la tête fracassée. Je parle des survivants. Les morts, on ne nous a jamais donné le nombre.